Ceci, c'est pour nos refs incarcérés. La liste est longue et vous le savez. Au fond, la France n'est qu'illusion. Rappelle bien au mien que cela part d'un bon sentiment. Plus de quoi de tentatives d'évasion. Victime de décisions qu'on a eu à prendre trop tôt. Notre vie, c'est éternelle conquête du respect. Côtoyer la violence dans tous ses aspects. Cherchons en vain la recette du bonheur. Victime d'une vie qui ne nous satisfait pas. J'ai mal. Je leur rends hommage, là j'exprime ma rage. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage, là j'exprime ma rage. Contre un système qui trace nos vies, des limites, nos limites. Nous font plonger puis remonter à la surface selon leur gré. Selon leur bon vouloir, un peu de pouvoir sur les trottoirs. Nos frères noirs, savent ce que c'est d'être noir. Avoir la poisse qui te colle à la peau. Négro, fier de l'être, même fier si tu me colles une étiquette. Tu me parles de cash, gloire, soleil et aspect. À poids, la lombre, matriculé, maté, enculé. Comme dit Mourad, les élus ont une clé. Pas les clés d'un coffre fort, mais les clés de la vérité. Dois-je penser que tous merdiers fument manigancés. Prémédités, financés par de hautes autorités. Enfermé n'est qu'un moyen comme un autre. Quand ça chiffre au milliard, faut surtout pas que tu te vautres, hein. Moi je sais pas ce qu'il trafique là-haut. Mais vu que je suis pas chez moi, je sais que je devrais sauver ma peau. Négro, je sens la différence dans leur regard. Dans leur regard. Plus ils croisent la même haine dans mon regard, bâtard. La France resserre les taux. Dans ta vie de tous les jours, tu peux ressentir l'embargo. Les journaux nous ont salis de manière stratégique. Via les médias dangers, la situation critique, je t'explique. Afin d'arriver à leur fin, tous les moyens sont bons, quitte à te laisser crever comme un chien. Ils bouffent du caviar aux portes des démunis. Et ils croient dur comme fer, égaler les États-Unis. Et on demande à nos frères de rester sages, mais l'image, on nous renvoie de la vie, pas celle du ghetto français. Si tu baisses les bras, et acceptes combien de temps, avant de te foutre une balle dans la tête. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage et là j'exprime ma rage. Élève-toi. Garde le bras en l'air, manifeste-toi si tu veux le faire. Tous nos frères ils sont en prison, ils sont les prisonniers des murs de paix. Éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Lève-toi, garde le bras en l'air, manifeste-toi si tu veux le faire. Tous nos frères ils sont en prison. Douleur, cœur, je pense à mes frères et sœurs. La justice est serrée. Pardon, j'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Et Dieu veut qu'à cette heure je n'ai pas mis les pieds en prison. Qu'il me préserve, qu'il me protège. Du mauvais œil du système et de ses pièges. Ceux qui siègent en haut savent à quoi je fais allusion. L'intégration à leur nation, une illusion. Car ils ont arbitrairement fixé les règles du jeu. Soit tu marches comme ils l'entendent, soit tu ne fais pas long feu. Et en France, tes chances de progression sociale sont presque nulles. Plus t'es parti du bas, plus les obstacles s'accumulent. Suivre des études en famille nombreuses, c'est deux fois plus de courage, deux fois moins de distraction, deux fois plus de rage. Choses qu'on comprend pas à tout âge. Mais ici tu payes de ta vie les erreurs du jeune âge. Et au passage, dédicace à Mistaïb Bal, puis à chaque frère autour de moi ayant connu le milieu carcéral. Sachez, ils sont les prisonniers des murs de béton, dehors ou dedans. Pour nous c'est la même, dedans on rêve d'être dehors. Dehors on veut nous foutre dedans. Parce qu'en fait de ce système nous recherchons l'évasion. Et on rêve d'enfreindre leurs lois, de les contraindre à nous écouter. De l'atteindre comme Mesrine l'a fait. Réalité, mais si tu le fais, sois décidé. Car ils te tueront, n'attendront pas que tu sois décédé. Mais t'assassineront. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont enfermés. Sachez que je viens tchatcher. Réalité, réalité, t'es pour leur liberté. Éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Et je pense que c'est nos danses entre violence et souffrance. Et qu'au fond, on est tous battus par cette France. Une immense douleur au cœur quand je pense à mes frères et sœurs incarcérés. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont enfermés. Sachez que je viens tchatcher. Réalité, lutter pour leur liberté. Éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Je n'ai jamais pigé comment je pouvais être jugé par un homme, un être humain comme moi qui lui-même a péché. Je vis ce genre de bâtard qui pense que j'ai ma place à l'eau. Les avisent qu'à mon égard, ils sont leur place dans leur tombe. Mais de quel droit ton devoir est de me juger, décider de me priver de ma liberté alors que ton système chaque jour de ma vie m'a poussé à l'extrême. Sur ton visage blême, j'ai lu l'emblème de la droite extrême. Mais t'es prévenu, la liste des détenus prévenus continue. En rien tu n'atténues la venue du sang dans tes avenues. Ta justice s'achète, se traite et c'est reconnu. Ton impartialité, elle n'est pas toujours maintenue. Ça soulage de savoir mes frères en cage. La justice, on foi, crie chacun sa voix. Je rappellerai que personne n'est à l'abri de la zombie. Commets une seule erreur et le système t'aura aussi. Pour avoir renversé un môme, tuer l'amant de ta femme. Avoir fui quand ton voisin de palier vivait un drame. Avoir fui quand ton voisin se faisait découper à coups de lame. Ne pas avoir donné l'alerte lorsqu'il neutralisait l'alarme. Y'a tellement de choses injustes qui peuvent t'arriver, comme d'être incarcéré pour un crime que tu n'as pas commis. À ceux qui prônent la dureté de pénal, qui se retrouvent devant le tribunal, qu'enfin ils regrettent qu'ils manquent à leur famille, et que leur famille leur manque, qu'ils ressentent enfin ce lorsque manque, la parole devient l'encre, qu'ils aient mal. Mal tout comme j'ai mal que la parole au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Lorsque la parole au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Lorsque la parole devient là, j'exprime ma rage. Élève-toi, lève-toi, toi, garde le bras en l'air. Manifeste-toi si tu veux le faire pour tous nos frères qui sont en prison. Tous les prisonniers des murs de béton qui ont frôlé la justice et n'ont plus droit au pardon. Lève-toi, lève-toi, garde le bras en l'air. Manifeste-toi si tu veux le faire pour tous nos frères qui sont en prison. Isolé les prisonniers des murs de béton qui ont frôlé la justice et la justice. Oh pardon, j'ai mal. J'ai mal le cœur quand je pense à mes frères qui sont enfermés. Sachez que je viens tchatcher une réalité. Lutter pour leur liberté, éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Et je pense que c'est le temps entre violence et souffrance. Et au fond, on est tous battus par cette France. Une immense douleur au cœur quand je pense à mes frères et sœurs incarcérés. J'ai mal. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont enfermés. Sachez que je viens d'événements et prendre nos convictions. Lutter pour leur liberté, éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Et je pense que c'est nos danses entre violence et souffrance. Et au fond, on est tous battus par cette France. Une immense douleur au cœur quand je pense à mes frères et sœurs incarcérés. J'ai mal. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont enfermés. Sachez que je viens tchatcher une réalité. Lutter pour notre liberté, éveiller les consciences quand le chétan mène la danse. Et je pense que si on danse entre violence et souffrance, et qu'au fond, on est tous battus par cette France. Une immense douleur au cœur quand je pense à mes frères et sœurs incarcérés. J'ai mal.